peux pas vous raconter cette histoire. Mais le mal de mon cœur m'oblige à vous en faire part. Toute ma vie, je voulais avoir une rose. Je voulais vivre avec celle qui définirait mes causes. Elle était douce aux beaux yeux des saphirs, une vraie boule de cristal sans sourire. Rien que par son charme, je pouvais voyager dans le temps. Elle était la seule que je pouvais aimer autant. Je ne savais pas que des mots pouvaient embellir mes jours. Je ne savais pas que des larmes pouvaient convertir l'amour. Sainte-Seine au clair de lune, et le moi on en faisait une. La fontaine de splendeur coulait dans mes phrases de douceur. J'oubliais pas ce leurre, je ne savais plus ce que t'es la douleur. C'est pareil que dans le positif aussi on se lasse. Et avec un peu de chance on s'en débarrasse et on se casse. C'était le grand jour dans la fleur de notre âge. On allait rédiger notre plus belle page de la vie que l'on appelle mariage. C'était une blague, les dessins de ma drague. Lui amener à Prague pour le grand jour était pour elle une buée de vagues, de sincérité et d'amour. Veux-tu m'épouser? Dans une folle joie, elle a dû poser ses doigts que je dépose ma croix. Et jadis on se repose, enfin je crois, dans une éternité sans pause de loi, simple d'amour et de vœux. C'était le moment du religieux pour rendre saint le prestigieux serment qu'on s'était fait. T'étais le seul à ma vue. S'il te plaît, ne pars pas. La chair devant le pasteur, sûrement qu'on devrait se taire. Mais d'un coup elle avait pâli, cria de rage, de folie, des mots débiles et impolis. Soudainement elle se retourna et partit. J'ai eu peur que ça soit la fin de la partie. Je l'ai suivi, je pensais que ça allait servir à la retenir et savoir c'est comment dire. Elle se retourna sans rien me dire et une claque sur la joue. Par la fureur, je l'ai forcé à tout me dire. Je l'ai fracassé contre mes mots d'enfer. Mais après tout, elle se débarrassa de leur ordure, de notre alliance pour le meilleur et pour le pire. Après un tout dernier soupir, elle tourna ses talons pour me signifier au revoir. Je ne pouvais rien faire, car j'ai compris la source de cette affaire. Elle avait laissé tomber sa bonne cause. Je l'avais ramassée et je compris que mon bonheur prenait son éternelle pause. C'était une photo de moi sous un autre toit, jouant roi à une autre reine. C'est cela le prix de ma peine. C'est cela le prix de l'infidélité. Jackson Bezos.